Section 57 de La Lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 7e, section 57. Février au champ, par Gaspard Cherville. Chasse et pêche. La chasse est close. Les derniers coups de fusil de la campagne se sont tirés à la plaine et au bois, après quoi chacun s'en est allé, comme dans la chanson de Malbrough. Le retour a du reste quelque chose du défilé funèbre immortalisé par la célèbre complainte, à cette différence près que l'autre, qui ne portait rien, forme la majorité. Cette clôture est certainement une fête comme l'ouverture, mais quelle différence dans les impressions qui les suivent! Elles ne se ressemblent pas plus que les enthousiasmes de la 20e année aux amères réalités de l'âge mûr. En septembre, l'espoir, cette chimère bienfaisante qu'il faudrait inventer si elle n'existait pas, aidait les malheureux sur lesquels la guigne s'était appesantie à porter le poids de leur bredouille. Le dernier dimanche, elle est alourdie par la rigueur avec laquelle la fortune s'est refusée à toute revanche. On la subit avec la rage sourde du joueur décavé quand la voix nasillarde du croupier annonce « les trois dernières ». En vain, chacun des infortunés se bat les flancs pour déguiser sa mauvaise humeur sous les dehors d'une gaieté de commande. Les déceptions de l'amour, du jeu et de la chasse se traduisent invariablement par l'allongement du nez de celui qui les éprouve. Du reste, ceux qui, avec le feu sacré, ont la chance d'habiter la campagne, pourront peloter en attendant que la partie recommence. Jusqu'au mois de mai, ils auront, avec les lapins, des coups de fusil à tirer. Le passage de retour des canards et des bécassines leur ménage encore quelques bonnes journées. Enfin, grâce à une tolérance à notre avis regrettable, ils auront pendant 2 mois encore la bécasse pour objectif. Nous sommes de ceux qui ont le plus énergiquement combattu cette dernière proscription, si peu justifiée, et lutté pour le maintien des prohibitions qui, en leur fermant le marché parisien, enlevaient aux destructions autorisées dans quelques départements la prime qui les incitait. Lorsque tout gibier a déjà disparu au sud-est de notre pays et se raréfie sur le reste du territoire, lorsque d'intéressantes espèces d'êtres sauvages, les outardes, les coques de bruyère, les gelinottes, certaines variétés de pluviers commencent à passer à l'état de légende, que d'autres sont dans un péril flagrant, lorsque la rage de l'anéantissement semble s'être emparée de quiconque porte un fusil, nous considérons comme un devoir de prêcher, fût-ce dans le désert, les mesures préservatrices, la modération ou, tout au moins, une saine appréciation de l'intérêt général. Placer la bécasse ou un autre migrateur en dehors du droit commun du poil ou de la plume, par cette raison seule qu'elle niche et multiplie dans d'autres contrées que la nôtre, nous paraît un procédé de franche barbarie. Un dernier vestige de cette législation monstrueuse attribuant au souverain les biens de l'étranger décédé dans le pays auquel il avait demandé une hospitalité temporaire. Tous les êtres en œuvre de reproduction, qu'ils soient voyageurs, qu'ils soient sédentaires, ont des droits égaux à notre clémence. La plupart des bécasses tirées au printemps ont été abattues à la croule, et la croule est précisément la manifestation qui sert de prélude à la propagation de cet oiseau. C'est dans le mois de février que les cerfs, quittant leur harde, s'isolent pour mettre bas leur tête. Les vieux cerfs sont les premiers à subir cette mue. Elle s'effectue dès les premiers jours du mois, celle des 10 corps vers la fin. Les autres têtes mettront bas dans le courant de mars. Février ouvre la période des amours des carnassiers. Quand la température s'est maintenue rigoureuse, elle commence au milieu du mois seulement pour la louve, dans la seconde quinzaine pour la femelle du renard, amours aussi sauvages que le milieu désolé par l'hiver qu'elles ont pour théâtre et qui se caractérise surtout par les combats acharnés que se livrent les mâles. Les menues bêtes de proie, fouines, martres, putois, commencent eux aussi à obéir à l'influence du printemps. Le moment est opportun pour s'occuper activement de la destruction des uns et des autres. Les soucis de la reproduction commencent également à s'éveiller dans les tribus des bêtes honnêtes et paisibles. Les lapins, cette incarnation de la règle de multiplication, et les lièvres sont à l'œuvre, les hérissons également. Le blaireau s'éveille de son engourdissement hivernal et exécute ses premières sorties hors de son terrier. Dans la plaine, les perdrix commencent à s'apparier, mais hélas, malgré la douceur de leurs mœurs et l'affabilité de leur tempérament, ce dieu turbulent qu'on appelle l'amour les ravale au niveau des loups et les incite à des batailles où les plumes volent toujours, où quelquefois le sang coule. La surabondance constante des coqs est la cause de ces conflits. Jadis, nous pouvions y remédier en tuant les mâles à l'aide de chanterelles, mais nous avons tant abusé de cette façon de pacifier les ménages que l'usage nous en est interdit, et naturellement, c'est l'innocente perdrix qui porte le châtiment de notre peu de retenue. Le grand mouvement rétrograde des migrateurs est commencé. Les ramiers, les palombes, les bisets réunis en bande longent la chaîne des Pyrénées en se dirigeant du couchant vers l'Orient. Les faucons retournent vers le nord, les ridaines quittent les plages de l'océan, les foulques ou judelles reparaissent sur nos étangs et le grand pluvier ou courlis de terre reprend possession des plaines graveleuses où il se cantonne. Le midi a vu reparaître les marouettes. Il ne faudrait qu'un adoucissement de la température et quelques brises de l'est pour ramener les bécassines dans nos marais. On ne pêche guère qu'au filet pendant le mois de février. C'est le moment de tendre des verveux dans les ruisseaux affluents de grandes rivières pour y prendre les brochets qui recherchent ces bas-fonds pour frayer. Leur chair est médiocre, il est vrai, mais en expurgeant les eaux de cette graine de bigando, on rend un précieux service à leur population, et cet assaisonnement d'ordre moral vous aidera à lui trouver une saveur agréable. Fin de la section 57, lue par Sophie France, à Veules-les-Roses en janvier 2025.